Merci d'être avec nous sur Radio G, la radio angevine. Air d'Afrique, le rendez-vous incontournable de la musique africaine sur Radio G. Air d'Afrique avec Paul Brou. Salut, salut, c'est Fada Freddy. Salut, salut, c'est Ndongo D. Nous sommes les Daradji Family. Vous êtes sur la Radio G. Aïe, et d'Afrique. Run it. Parce que ça, c'est du futur. Et ça, c'est le futur. Et ça, c'est le futur. Et ça, c'est le futur. Avec la musique, nous. Quand nous naissons avec la musique. Parce que la musique, elle est permanente, quoi. Et même quand on meurt, c'est la musique qui me procurait la joie, le son. J'avais un copain qui avait une magnifique voix basse. Sa basse, mais elle, vraiment, elle m'interpellait. Je courais après lui pour qu'on puisse chanter à deux pour que j'entende la basse. Francis était en avance, il était notre maître. Vraiment, on jurait, on dormait, Francis bébé, tout ça. Et c'est lui qui m'a initié précisément aux 12 mesures du blues, hein, qui m'a fait connaître l'univers de Duke Ellington et tout ça. Je suis content parce que c'est quand même un compatriote qui m'a fait connaître ça. En raison de la situation liée à la crise sanitaire Covid-19, notre équipe Air d'Afrique vous propose une émission enregistrée. Prenez soin de vous et des autres. Merci. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver et j'aime énormément ce moment de communion avec vous. Comme vous l'avez entendu dans le générique, notre émission a été enregistrée et au studio Manu Dibango. Le studio Manu Dibango est une partie de ma grande pièce, c'est donc de chez moi. La situation sanitaire oblige que nous allons partager ensemble ce moment de bonheur. Oui, la distanciation est vraiment respectée. Et nous allons passer ce moment de bonheur avec deux rendez-vous à ne pas manquer. Le premier, dans la parole à l'artiste, avec une artiste locale qui vient de sortir son EP. Il s'agit de Kélé. Je ne me verrai pas produire de la musique qui n'est pas moi. C'est bien pour ça aussi que j'écris à la fois mes textes et à la fois je compose. En tout cas, moi, pour me sentir pleinement artiste, j'ai besoin de savoir que le texte, au minimum, est de moi. Restez avec nous. Et vous aurez la suite dans quelques instants. Le deuxième rendez-vous, c'est avec notre invité du mois pour nous parler de santé. Et ce sera avec Cécile Siebert, spécialiste en siatsu. Voilà, tout est dit. Place maintenant à la musique. Peut-être un espoir avec ce vaccin. En attendant, on sensibilise. Restons prudents et voici un single du grand Doumbia Moussa Fakoly alias Dikenja. il est là pour nous chanter. On écoute et on danse ensemble. Mettre une distance entre nous. On va te barrer la route. On va te barrer la route. On va te barrer la route. Tu ne pourras même pas t'installer ici. Corona, on va te foutre dehors. Corona, tu vas pas t'installer ici. Corona, on va te foutre dehors. Corona, y a pas de place pour toi ici. Perturbé, nous avons toujours gagné nos combats dans le passé. On va te barrer la route, on va te barrer la route, on va te pousser dehors et tu n'auras pas le temps de t'installer. Corona, on va te foutre dehors. Corona, tu vas pas t'installer ici. Corona, on va te foutre dehors. Place pour toi ici. Banajube kankele. Angante ko safina la kanuna ndadogo, kanuna ndadogo, bana kanadu. Angante ko safina la kanuna ndadogo. Safina la bana kanadu kanuna ndadu. Eh oui, la COVID a plus de chance que le paludisme qui est là depuis longtemps. On ne fait que passer le message. Respectons toujours les gestes barrières, c'est-à-dire se protéger et protéger les autres, bien sûr. Ils sont nombreux, les artistes du continent qui mettent leur art et leur notoriété au service de la lutte contre la pandémie. Voici notre ami Top One Frisson qui se met au service de cette lutte avec son single Anti-Coro. Ça, c'est le message d'espoir. J'ai trouvé la solution. Le premier trésor de l'homme, c'est sa liberté. Dan que dit. Alisa, fofona brasa viloise, le qui a franci na Yesu, moninga ya na deje. Si tu ne veux pas boire ton pipi, bois ma solution. Anti-Coro, c'est le tanga wise, nyamangu yo yo. Anti-Coro, ah ça tu ajoutes un peu de citron. Anti-Coro, mais oui, n'oublie pas la ila ila ila. Anti-Coro, et puis un peu de miel et la prière. C'est bon, bon, bon, c'est bon pour guérir. Bon, ce qu'on a beaucoup, bon, ce qu'on a beaucoup, bon, tu laver les mains, pour laver les mains. Plus de bisous, plus de câlins, hands solides. Plus de bisous, plus de câlins, oh. Ne vous serez pas les mains, même si vous serez. grand frère et pauvre. Didier Yala, Willy Manadja, Augustin Mamba. Et c'est fort. J'ai trouvé la solution. Thierry Narosio, merci pour la solution. DJ, c'est qu'on appelle Niamankou. DJ Beach One. Ah ça, tu ajoutes citron. C'est ancien Gauthier. Mais n'oublie pas la Ila. Isaac Parker. Hey, un peu de miel et de prière. Ça va aller. Si tu n'es pas convaincu, va chercher la chloroquine chez le professeur Didier Raoul à Marseille. Robert de Prébagnolas. Zita Kibamba. Nias. Ginger. Niama, niama, niama. Niama, niama, niama. Niama, niama, niama. Niama, niama. Danga wise. Niama, niama, niama. Danga wise. Gingembre. Niama, niama, niama. DJ Wilson et DJ Joe Escrobe. J'ai trouvé la solution. Chantal et Yala, l'étoile filante de Congo. Tempe Kore Owanji, Alberto Robo. Ah, Djokwe, Djoko, Djoko Yode Mako. Djokwe, Djoko, Djoko Yaboko. Djoko Zobikisa, Djoko Zafina. Ya Orlus Mabele, Yenanga Manu di Bangou, oh bien Siriak Basoka, tous les autres aussi. Bonne arrivée si vous nous rejoignez, c'est justement Aide Afrique sur la Radio G. Vous écoutez en ce moment même les meilleurs sons d'Afrique. Et on part au Nigeria. Quelque part là-bas, il y a un héritage, comme un passage de témoin musical. Je parle ici de Med Kuti, petit-fils de Fela Anikulapo Kuti, le fils de Femi Kuti. Il s'essaye aussi à l'afrobeat. Et on partage ensemble son single qui s'appelle Free Your Mind. Voici Med Kuti sur votre radio préférée et c'est dans Aide Afrique. Oh,

employeur. Béatrice Espoise et Mamouilou. Saint Patrick Ponce. Architecte, chéri, tancien, Alain Moussiké, Lori, Kisengele. Papa Godé Moutamba, Yama Mimi. Mouniwe. Eh eh. Mouniwe. Colonel Tisséke, Diama, Denis Dantou. Mouniwou. Bissondeko, Binissawa. Dog. Balaye, balaye, balaye. Le boss Ibra. Coucou, je suis Virginie Dambélé. Retrouvez-moi sur Radio G avec Paul Brou. La musique est bonne. La musique nous permet de métamorphoser le réel. Merci Virginie Dambélé pour ce son contemporain qui n'appartient qu'à vous. À mes auditeurs, restez toujours en notre compagnie avant notre premier rendez-vous consacré à la parole à l'artiste. Nous allons au Niger, plus précisément dans la ville de Halit, pour retrouver l'héritier de la musique Touareg. Il s'agit de Abdallah Sidi. Il est là sur notre plateau, accompagné de son groupe Takri Nakal, et chante pour vous Imi Sanan. On les écoute, ils ont besoin de votre soutien. Nous y sommes avec cette virgule. Bienvenue au rendez-vous de la parole à l'artiste qui vous permet de mieux connaître les artistes qui œuvrent pour la musique d'Afrique et avec un penchant pour la découverte d'artistes locaux. Pour ce dimanche, nous recevons pour vous la jeune rennaise originaire de Niort. Il s'agit d'Ekélé. J'espère que je prononce bien ce nom. Elle ne m'en voudra pas. Elle écrit et compose les chansons qu'elle interprète avec talent. Aide-Afrique vous amène à la découverte de cet artiste qui évolue dans l'univers pop variété. Entretien réalisé au téléphone, situation sanitaire oblige. Veuillez nous excuser pour la qualité du son. Et c'est parti. Bonsoir Kelly. Bonsoir. Dans ce temps de crise sanitaire, comment vivez-vous cette situation? Eh bien, comme bon nombre d'artistes, c'est un peu compliqué. Oui. Mais bon, j'essaye de continuer à faire des projets musicaux. Voilà, j'ai mon EP qui est sorti le 22 août dernier, qui s'appelle Sombre Clarté. Oui. J'essaye de continuer à faire de la promotion autour de ça. Normalement, il va bientôt sortir en version physique, ou en novembre. Oui. Et à côté de ça, bon bah c'est vrai que je n'ai plus la possibilité de faire des dates de concert, donc pour l'instant tout est reporté. Mm-hmm. Voilà, j'ai l'occasion d'être avec vous aujourd'hui, donc ça c'est super. Et je suis en train de planifier mon prochain tournage, qui sera pour mon titre Lui Dire. Mm-hmm. Pareil, vis-à-vis du Covid, bah on est en train de voir ce qui est possible, s'il y a des dérogations possibles. Je pense que je vais essayer, durant toute cette période de confinement, de faire des lives, de proposer du contenu différent et peut-être d'être plus active sur les réseaux sociaux, comme je l'ai fait en mars. Mm-hmm. C'est vrai que c'est une période un peu complexe pour tout le monde. Merci d'être avec nous sur les antennes de Radio G et surtout dans l'émission Aide Afrique. Pour les auditeurs qui nous écoutent, présentez-vous en quelques mots. Alors, donc, je m'appelle Kelly. Oui. J'ai 20 ans. Mm-hmm. Et je suis originaire de la petite ville de Niort, en Poitou-Charentes, entre La Rochelle et Poitiers. Oui. Et je fais actuellement, en parallèle de la musique, des études de communication à Rennes. Mm-hmm. Et donc, j'ai sorti un EP le 22 août, donc, qui s'appelle Sombre Clarté. Oui. Voilà, donc avec 6 titres que j'ai écrits et composés. Mm-hmm. Et donc, bah, j'ai commencé globalement à faire de la musique à l'âge de 15-16 ans, oui. De manière plus sérieuse, à oui. faire des petites scènes, etc. Mm-hmm. Et aujourd'hui, enfin, depuis, je dirais, 2-3 ans, j'ai eu cette volonté d'être professionnelle, quoi, d'en faire mon métier, donc j'essaye. Et pour ça, en fait, j'ai intégré un label en mars 2019 qui s'appelle l'EGC, mm-hmm. donc qui signifie Everybody Gets Crazy, qui est basé à Poitiers, mm-hmm. qui du coup m'accompagne dans tous mes projets, donc dans la réalisation de clips, dans les séances studio, etc. Pour communiquer, il y a le théâtre et d'autres moyens. Pourquoi avez-vous choisi la musique pour communiquer? Eh bien, la musique est venue à moi, je dirais, grâce à ma famille et notamment grâce à ma maman qui chantait beaucoup, mm-hmm. qui, lorsqu'elle me portait dans son ventre, écoutait énormément de musique. Du coup, j'ai été beaucoup bercée dans la musique depuis que je suis petite. Il y avait toujours de la musique chez moi qui passait de tous les styles d'ailleurs, mm-hmm. que ce soit de la musique classique, du rock, du zouk, mm-hmm. que je pense que l'oreille musicale s'est formée là, mm-hmm. et donc oui, ma maman et mes grandes sœurs aimaient beaucoup chanter, du coup j'ai eu la passion du chant qui est venue comme ça, et à côté de ça, bah, j'écrivais des petits trucs. Quand j'ai eu 9-10 ans, j'ai commencé à écrire des petits textes comme ça, donc bien sûr rien de très sérieux, oui. Et donc bon, bah, un jour, je me suis dit que j'allais tenter de faire quelque chose de tout ça et d'allier cette passion de l'écriture, mm-hmm. avec ma passion du chant. Mm-hmm. Et donc aujourd'hui, je me sers de ça, bah, pour transmettre ce que je ressens, et c'est aussi un moyen d'extérioriser pour mm-hmm. moi. Mm-hmm. Enfin, notamment sur mon EP, là, les titres qu'il y a, ça reflète énormément mes états d'âme, que ce soit bah, d'adolescente. Mm-hmm. Donc le titre le plus vieux, je l'ai écrit quand j'avais 16 ans. Le titre le plus récent, je l'ai écrit en ayant 20 ans. Donc il y a à la fois mes états d'âme d'adolescente et aussi de jeune adulte actuel, et ça passe par des émotions à la fois joyeuses et un peu moins. Donc ça parle beaucoup d'amour, mais ça parle aussi de la mort, de la sensation de liberté et de choses comme ça. L'amour, la mort et la liberté, il n'y a pas d'autres thèmes que vous abordiez dans vos chansons? Eh bien, j'aborde principalement le thème de l'amour. Oui. C'est vrai que lorsqu'on est adolescent, ce qui nous travaille le plus, c'est vrai que c'est l'amour. L'amour, c'est quelque chose qu'on découvre à cette période-là, les premiers copains, les premières amourettes, tout ça. Et on est, je dirais qu'on est plutôt en tension avec soi-même. Oui. Et donc oui, on a beaucoup d'émotions qui nous traversent à ce moment-là, et c'est surtout, je dirais, l'amour. Donc il y a à la fois des chansons très joyeuses que j'ai écrites sur ça, comme Lui Dire ou Les Vieux Quais. Il y a aussi des chansons beaucoup plus tristes de rupture comme West Matches ou Sans Fin que j'ai écrit récemment. Donc, si on veut voir, les chansons décrivent votre parcours, votre histoire personnelle. Oui, c'est ça. En fait, ça parle de moi, ça parle de ce que j'ai vécu. Oui, oui. En fait, j'ai réussi à coucher très facilement ces émotions. Dès que je parle, en fait, dès que je parle de ce que je ressens, j'arrive à écrire les chansons de manière très rapide. En général, ça va d'une dizaine de minutes à des fois une heure, ce qui est peu. Et en fait, je sors mes émotions, je les couche sur le papier et voilà. Donc, ça parle de ce que j'ai vécu, mais jamais je ne vais m'exprimer au jeu. Je m'exprime toujours à la troisième personne afin que les personnes puissent aussi s'identifier. Oui. Bon, je cite jamais de nom. Voilà, j'essaye de garder une part un peu de mystère pour que les gens puissent s'identifier à mes textes. Quelle a été votre première chanson écrite quand vous avez commencé à faire de la musique? Vous vous souvenez? La première chanson j'ai écrite. Oui. Vraiment que j'ai écrite toute seule, etc., c'est lui dire. Oui. Donc ça parle d'ailleurs dont on va tourner le clip très prochainement, dispo sur les plateformes de téléchargement partout. Et donc ça parle en fait de mon premier amour et du fait que je n'arrivais pas à l'époque à lui avouer mes sentiments. Et cette chanson, elle aborde beaucoup le thème de l'enfance, du fait que c'était beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus simple quand on est enfant finalement de parler de ses émotions, on est plus libre. Et voilà, ça parle réellement d'avouer ses sentiments à quelqu'un et des difficultés qu'on peut éprouver avec ça. J'ai éprouvé d'ailleurs avec ça. Donc la musique est-elle le lien le plus sûr pour faire passer vos messages alors? Ça c'est une bonne question. Eh bien c'est vrai que c'est vrai que c'est une bonne manière. C'est pas forcément... En fait, je le fais plus pour moi. Quand j'écris cette chanson, je le fais plus pour moi, pour me libérer, et pas dans le sens où je vais écrire cette chanson pour dire ça à telle personne. Après, je me suis déjà servi de chansons d'amour que j'ai écrites pour... par exemple, j'ai écrit une chanson, Les Vieux Quais, qui parle d'une personne dont j'étais amoureuse à l'époque. Et c'est vrai que je lui ai chanté un jour, donc ça a été ma manière un peu de lui montrer que je tenais à lui. Oui. C'est vrai que c'est une manière, mais en même temps, c'est surtout pour moi en premier que j'écris ces chansons. Les auditeurs ne vous connaissent pas plus. Moi, au moins, j'ai eu la chance de vous rencontrer lors d'une exposition à Ségré. Vous chantez, et vous jouez de la musique. Comment définissez-vous? Vous êtes chanteuse ou vous êtes musicienne? Eh bien... un peu des deux, mais j'aurais tendance à dire que je suis surtout chanteuse. Je chante depuis que je suis très jeune. Bon, j'ai jamais pris de cours. En fait, je n'ai jamais pris de cours de rien du tout. Je suis autodidacte surtout sur le chant, sur le piano, sur la guitare, sur la MAO, donc la musique assistée par ordinateur. J'ai toujours tout appris toute seule. Mais la musique, enfin le chant, c'est vraiment ce que j'ai commencé en premier. Par la suite, j'ai décidé d'apprendre à jouer de la guitare et du piano pour m'accompagner, pour justement accompagner les textes que j'écrivais. Donc je me définirais plus comme une chanteuse qui arrive à s'accompagner musicalement, mais j'ai pas trop de prétention dans la pratique de ces différents instruments. J'essaye, j'y travaille, mais ça prend du temps. Vous venez de nous parler de votre EP. Ça a été facile de composer les chansons de ce EP qui compose, je crois, 6 titres. C'est ça. Il y a en effet 6 titres. En fait, ces 6 titres ont été très étalés dans le temps. Pour le coup, il y a vraiment, je dirais, un texte que j'ai écrit pas très longtemps avant la sortie de l'EP, peut-être 6 mois avant, qui s'appelle Vol Nocturne. Et sinon, tous les autres textes, en fait, le premier texte, je l'ai écrit quand j'avais 16 ans, donc c'est lui dire, et puis après, il y a eu Wife My Tears, après il y a eu Des Jours Sombres. En fait, ça s'est enchaîné dans le temps, et c'est vrai que vis-à-vis de ça, on ne peut pas dire que je sois très très active au niveau de l'écriture. C'est quelque chose, c'est un exercice pour moi qui n'est pas si évident que ça, car c'est quand même coucher ses émotions sur le papier, donc les faire ressortir. Donc c'est pas toujours des moments agréables, finalement, mais qui derrière donne de très belles chansons et dont je suis fière. Mais non, vis-à-vis de ça, ça a été très étalé dans le temps, et comme je l'ai dit tout à l'heure, en général, les chansons sont écrites en très peu de temps et sont composées dans la foulée. Après, évidemment, elles sont retravaillées derrière, même pour ce qui est des arrangements. Big up à eux, Lamento Studio et Lionel Dudognon, voilà, avec qui j'ai bossé sur l'EP, qui ont fait des arrangements. Voilà. Mais sinon, après, pour tout ce qui est la partie écriture-composition, c'est de moi. Et oui, je n'ai pas éprouvé de difficultés, globalement. Et faites-vous une musique qui vous ressemble ? Pardon ? Faites-vous une musique qui vous ressemble ? Bien sûr. En fait, je ne me verrais pas produire de la musique qui n'est pas moi. C'est bien pour ça aussi que j'écris à la fois mes textes et à la fois je compose. En tout cas, moi, pour me sentir pleinement artiste, j'ai besoin de savoir que le texte, au minimum, est de moi. Et vraiment, quand j'arrive à composer la musique, mais ce qui est tout le temps le cas jusqu'à présent, je le fais. Et pour moi, être artiste, aujourd'hui, être totalement artiste, c'est vraiment écrire ses textes, et aller au bout de ses idées et faire un maximum de choses dans son projet. Bien sûr, évidemment qu'au bout d'un moment, quand on acquiert de la notoriété, on a besoin d'aide à gauche, à droite. Et vraiment, pour moi, la partie création, le noyau, l'épicentre, ça doit vraiment être l'artiste. Parce qu'aujourd'hui, voilà, moi, je me considère pas comme une interprète. Je me considère interprète pour tout ce qui est les reprises, voilà, donc des chansons qui ne sont pas de moi. Mais je suis principalement auteur, compositrice, interprète. D'accord. Et vous n'avez pas une influence sur ceux qui vous entourent pour composer vos morceaux ou bien, enfin, pour créer vos chansons ? Alors, j'ai des influences. Ça que vous sous-entendez. Et notamment l'artiste Pomme, que j'adore, que j'aime beaucoup, qui a sorti Les Failles il y a environ un an et qui, là, a sorti d'ailleurs une réédition pour Halloween. J'invite les gens à aller écouter. C'est excellent, selon moi. Donc je m'inspire beaucoup d'elle. Et d'ailleurs, les gens me comparent souvent à elle vocalement, me disent que je lui ressemble. Je m'inspire également de London Grammar, de Juliette Armanet, un peu de la pop actuelle aussi, et d'une artiste un peu méconnue encore, mais qui mériterait vraiment, vraiment beaucoup plus de visibilité, qui s'appelle Luciole, que j'ai eu la chance de rencontrer lors d'un projet en seconde. Qui a d'ailleurs été un moment clé, je dirais, au niveau de la musique pour moi, car c'était un projet d'écriture étalé sur une semaine que j'ai réalisé au lycée, et dont la finalité était de représenter cette chanson sur scène. Et donc j'ai eu la chance de jouer dans une salle de musique actuelle à New York qui s'appelle le Kamji. Et donc de chanter cette chanson. Et quand j'ai chanté cette chanson avec une amie à moi qui m'accompagnait, le fait d'avoir vu les gens dans l'émotion, qui écoutaient attentivement, qui étaient là avec leur briquet, voilà, car c'était une chanson assez mélancolique, il y a vraiment eu un déclic du haut de mes 16 ans où je me suis dit, c'est ça que je veux faire plus tard, c'est le métier que je veux faire, je veux continuer à donner de l'émotion aux gens. Et nous revenons à votre discographie. Vous venez de faire un premier EP. Pour les auditeurs qui veulent l'avoir, comment est-ce qu'ils peuvent procéder ? Alors, l'EP est actuellement disponible sur énormément de plateformes, il semble une trentaine. Donc c'est disponible sur Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, YouTube, TikTok, Shazam, c'est disponible un peu partout sur toutes les plateformes principales. Par la suite, on est en train d'y travailler, mais avec le Covid, tout ça, il y a un peu de retard qui a été pris. On est en train de finaliser la sortie physique de l'EP. Donc je pense qu'il sera disponible en commande, voilà, auprès de ma personne ou du label. Est-il facile de faire la musique ? En général ou en ce moment ? En général. Je dirais que la musique, ça rime, pas très exactement, mais ça rime avec motivation. Motivation et investissement et travail. Clairement, je pense que si je ne m'étais pas bougée, si je n'étais pas allée toquer à la porte des gens, j'en serais pas là aujourd'hui, même si j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir, parce que je suis encore jeune et je viens de commencer dans ce milieu. Si je n'avais pas fait les démarches pour contacter les bars, pour jouer là-bas, si je ne m'étais pas montrée en jouant dans la rue, que ce soit à Poitiers, à Niort ou à Rennes, je ne pense pas que j'aurais pu toucher du doigt toutes ces opportunités. Et donc, la musique aujourd'hui, c'est vraiment... pour moi, certes, il y a une petite part de talent. Le talent est important, évidemment, qu'il faut chanter bien, qu'il faut avoir de la créativité. Mais si on ne décide pas de travailler derrière et de s'investir à fond, ça ne peut pas marcher. Personne ne va venir nous prendre par la main, en fait. Et je m'en suis très vite rendu compte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me bats vraiment à chaque fois pour contacter les gens, pour gagner en visibilité, pour participer à des événements, être dans l'échange, faire des rencontres. Ouais, c'est la clé. Ouais. Une des autres clés, et je rebondis sur cette notion d'échange, c'est avoir un bon réseau. Ouais. Voilà, c'est parler à quelqu'un qui va parler à quelqu'un de vous, etc. Enfin, c'est que une question de carnet d'adresses et de réseau et donc d'investissement parce que bah, je le vois là, rien que la pratique instrumentale. Ouais. Je me souviens quand j'avais 16 ans et que j'étais au lycée et que j'ai commencé le piano. Ouais, tous les soirs, je rentrais des cours et je faisais une ou deux heures de piano et ça, je l'ai fait pendant un an. Ça a été très formateur. Ouais. Si je n'avais pas fait ça, je n'aurais jamais pu progresser et pouvoir me produire sur scène comme ça et jouer et chanter en même temps. Et c'est pareil, je dirais, aujourd'hui, si je suis plutôt à l'aise sur scène, c'est parce que si j'ai fait la démarche de faire des scènes, que ce soit dans des bars, voilà, pour des communes, pour des fêtes de la musique, des fêtes des mères ou que sais-je, eh bien, j'aurais jamais pu gagner cette aisance scénique. Ouais. Donc, je dirais, c'est vraiment du travail, de l'investissement, ne pas perdre courage, ne pas perdre patience parce que il faut être patient, oui. ça ne vient pas comme ça et je pense que tout ça c'est la clé de la réussite. Ouais. Et quels sont les conseils que vous pouvez donner à la nouvelle génération ou bien à des jeunes comme vous qui veulent faire de la musique? Bah, je dirais déjà qu'ils s'appuient sur ce que je viens de dire. Oui. En plus de ça, on a la chance d'avoir un formidable outil qui s'appelle Internet, Ouais. Essayer de l'exploiter à fond. Oui. En ce moment, les réseaux sociaux, bon, bah, je suis en communication et bon, ça me sert énormément dans la musique. Et vraiment, il faut utiliser les réseaux, aller sur Instagram, faire des stories, faire des lives, essayer de faire rentrer un peu le public dans sa vie, enfin, partager sa vie avec le public, voilà, leur montrer le processus créatif. Les gens sont demandeurs de ça. Et le confinement, c'est d'ailleurs l'occasion de tout ça. Ouais. Se montrer, en général, se montrer, voilà, ne pas hésiter à toquer à la porte des bars, à la porte des gens qui travaillent dans ce milieu, en général, même si ces gens-là vont pas forcément collaborer avec nous. Bah, ils vont au moins apporter des conseils. Tous les conseils sont bons à prendre. Voilà, ne pas hésiter à se montrer. Et voilà, enfin, évidemment, au début, on commence tous quelque part. Moi, au début, les premières vidéos que j'ai mises sur YouTube, etc., c'était pas de la très bonne qualité. J'avais pas forcément de quoi m'enregistrer. Ouais. Mais après, en faisant des scènes et en m'investissant de plus en plus, j'ai investi financièrement du matériel. Et du coup, mes vidéos, mes chansons, ce que j'enregistre, devient de meilleure qualité. Il faut pas avoir peur de ça, d'ailleurs, des conditions techniques. Ça, au début, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est de se montrer, de rester motivé et voilà, de s'impliquer en général. En si peu de temps, disons 4 ans, c'est ça? C'est ça. Et quelle est la plus grande leçon que vous tirez dans cette carrière musicale? La plus grande leçon? Oui. Eh bien, je dirais la plus grande leçon. Oula, bah, après, pour l'instant, ma carrière musicale est courte, ça fait, je dirais, que 3-4 ans réellement que j'ai commencé à faire de la scène, donc je suis encore très jeune. Oui. Mais j'ai déjà pu voir que ce qui compte, c'est de réellement rester soi-même et de rester accroché à ses idées, à son projet, et de pas se laisser happer par des gens qui essayent de, comment dirais-je, de vous emmener vers ce qui peut être tendance ou ce qui va plaire. Ce qui compte, au début, à la base, on fait de la musique pour soi, pour se faire plaisir. Oui, oui. Après, si ça fait plaisir aux autres, tant mieux. Mais de base, il faut se faire plaisir. Oui. Parce que de toute façon, quelqu'un qui vient nous voir sur scène et qui voit qu'on ne prend pas de plaisir, bah, il va ressortir du concert et il va être déçu. Oui, oui. Je sais que moi notamment, et je crois que c'est le plus beau compliment qu'on me fait en général, on me dit pas... bien sûr qu'on me le dit, on me dit « oui, vous chantez bien », etc. Et quand les gens me disent... J'ai ressenti quelque chose, j'ai vu que vous ressentiez ce que vous chantiez et je l'ai ressenti aussi. Oui. Je crois que c'est la plus belle chose qu'on peut me dire et je crois que c'est ça la plus belle leçon que je veux dire que je continue à tirer, c'est que voilà, il faut ressentir les choses de toute façon si on veut que les gens le ressentent et il faut rester soi-même à tout prix. En principe, un EP est suivi d'un album. À quand l'album? Ah, la question intéressante. Eh bien, j'ai réfléchi. En ce moment, j'écris pas mal de chansons. Depuis le premier confinement, j'en ai écrit 4. Mm-hmm. J'en ai écrit 4, dont une qu'il faut que je finisse de composer. Oui, oui. Et donc, bah, ça va dépendre du succès de l'EP. Oui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'analyser le succès de cet EP, étant donné qu'on est dans cette période de confinement, d'épidémie. Mais évidemment que si l'EP fonctionne, que les dates suivent, eh bien évidemment qu'il y aura un album derrière. Donc après, quand, je sais pas. Mm-hmm. Pour l'instant, c'est pas prévu. Pour l'instant, on se concentre vraiment sur l'EP, la communication de l'EP, voilà, développer tout ça, gagner en visibilité, et voilà, faire des dates, même si en ce moment c'est très compliqué. Donc à côté de ça, j'essaie de participer à des tremplins. Par exemple, là, j'ai envoyé ma candidature aux Inuits du printemps de Bourges, donc on verra ce que ça donne, et on y croit. Ouais. D'accord. Pensez-vous venir jouer un jour à Angers? Avec plaisir, et j'ai déjà eu l'occasion, comme vous l'avez soulevé tout à l'heure, oui. De venir me produire à Angers pour le SIAMA, ouais. Donc qui est un salon, ouais. C'est le salon des arts et métiers, oui. C'était pas exactement à Angers, mais c'était à côté. C'était à côté, oui, oui. Ça a été une expérience très enrichissante, oui. J'ai pu rencontrer énormément de gens, et j'ai chanté lors d'un défilé de mode. Oui, on a vraiment apprécié. Bah, j'espère, oui, pouvoir revenir à Angers rapidement, avec plaisir, pour rencontrer le public en juin. Ok. Les organisateurs à Angers qui veulent vous avoir pour chanter, pour faire un spectacle, comment est-ce qu'ils peuvent procéder? Eh bien, ils peuvent me contacter sur ma page Facebook. Oui. J'ai des réseaux sociaux, j'ai Facebook, j'ai Twitter, j'ai Instagram, j'ai une chaîne YouTube. Mm-hmm. Donc ils peuvent me contacter sur Facebook en tapant Kelly Musique. En général, de toute façon, en tapant Kelly Musique sur Internet, s'il trouve. Oui. Ou sinon, via mon adresse mail qui est indiquée sur mes réseaux. Oui. Ou par mon numéro de téléphone, en me demandant par message. Voilà. Il n'y a pas de souci, je réponds avec plaisir aux demandes. Un dernier mot pour les auditeurs de Radio G, et surtout pour l'émission Aide Afrique. Eh bien, je dirais aux auditeurs, continuez d'écouter la radio. Oui. Voilà. Oui. C'est un bon moyen de communication. C'est merci. Super. Bah, je vous remercie, vous, Paul, de votre accueil. Et voilà, je fais des bisous à tous les auditeurs et j'espère pouvoir revenir bientôt. Et cette fois, en vrai, ce serait super. Parce que là, les conditions du confinement ne sont pas évidentes. Et voilà, surtout, n'oubliez pas la culture qui, en ce moment, est un peu en péril. Donc, continuez à soutenir les artistes et les acteurs de la culture en général. Merci encore. Les portes de notre radio vous sont ouvertes. Vous pouvez venir quand vous voulez. Avec plaisir. À bientôt. Merci, à bientôt. Bonjour, je m'appelle Yacouba, j'habite à Paris. J'écoute Air d'Afrique par Internet sur la radio G. Nous étions dans la parole à l'artiste avec Kélé. Et vous pouvez réécouter cet entretien en allant sur le site de notre radio que je vous donne. www.radio-g.fr, rubrique en podcast et puis émission Aide Afrique. Bien sûr, nous vous proposons d'écouter un single de ce nouvel EP qui s'appelle Ludi. Bonne écoute et soutenez l'artiste. Je tombe de nouveau sous le charme. Je me rappelle quand nous étions enfants, qu'on se disait je t'aime si simplement. Pourquoi est-ce différent maintenant? Je t'en supplie, laisse-moi un peu de temps. My heart beats fast when I talk. Parce que sera sur la terre et que la lune s'envolera dans les airs. J'aimerais qu'il me prenne par la main à la découverte de nouveaux chemins, à explorer de nouveaux territoires, me redonner une lueur d'espoir. Mais juste avant de partir, je voudrais juste lui dire. Hello, hello, je suis Bi Aïssia, artiste, chanteuse et comédienne ivoirienne. Restez branchés sur la radio G pour écouter la musique africaine. Bisous. Nos amis défilent sur la piste de la grande discothèque africaine et parmi les jeunes artistes de la chanson ivoirienne qui s'efforcent quotidiennement de se frayer une route vers une carrière internationale, il y a Maïda. Elle est là, elle est sur le plateau pour nous interpréter un de ses beaux singles qui s'appelle « Tu es mon père ». Voici Maïda sur Radio G et dans Aide Afrique pour votre bonheur en ce dimanche 22 novembre. Merci Maïda pour cette prière. Maintenant, je vous propose d'écouter un jeune Congolais. Il s'agit de Parfait Young, un chanteur et guitariste. Je l'ai vu plusieurs fois en compagnie du grand Balou Kanta, de Luciana et des magiciens de la Côte d'Ivoire. Oui, il s'agit de Magisystem, du groupe Magisystem. Mais Parfait a choisi de développer une musique qui a le reflet de la culture de son pays, qu'est le Congo. Parfait est là, il est sur la piste pour nous interpréter Talila Tango. Oui, cher Parfait, si tu es prêt, la piste est à toi. Merci. Mmh. kokende Keko soanyo soyo ko sala kanavi Sala yango na bo sembo yo kolonga Kisa tango te na ba de ba ya pamba Mikolo mikoleka aje zaliko pousa na Bana ya bije Bana ya tesi, bana ya yoro pendolo Bana ya lunda kuna nangola Mosala izali, tata na mama Ba juja ba yaya, ba champion pe ba pomba Ba metra na kini, sare la tango Yengere mumataba Yontorom dataran, chakam babam bataranga tatite, shingurangam datnam tatitundate. La passerelle, sale la tango, tango zali koleka, zala mesengo. Oh, sari lan tango, sari lan tango, sari lan tango, tango yoka yena, bamzahi. Notre coup de cœur de la semaine, c'est Aya Nakamura, la native de Bamako, la jeune africaine la plus écoutée actuellement au point de vue musical. Oui, il faut mettre les choses au point. La nouvelle reine des R&B réinventée, elle signe son nouvel album où nous avons tiré exclusivement un titre qui s'appelle Doudou. Aya est donc attendue et ne déçoit pas complètement. Aime-moi doudou, montre-le-moi doudou, t'es mimi, dis-le-moi doudou, prouve-le-moi doudou, et ça c'est quel comportement doudou, tu me mens beaucoup, ça c'est quel comportement doudou, tu me mens beaucoup, là c'est clair, il me fait tomber. Le vol laisse tomber. C'est qu'il est frais, je vois flou. J'aime quand t'es là, c'est tout. J'ai dit oh, oh, oh. J'ai juré qu'on est plus que poteau. J'ai dit oh, oh. J'ai juré qu'on est plus que poteau. Parlons français, sois clair. J'ai passé l'âge de jouer. J'ai dit toi et moi on se sait. N'en fais pas trop s'il te plaît. On perd déjà du temps à tester nos limites. Ta présence coûte cher, dis-moi quel est mon bénéf. En moi tu pourrais voir nos projets et l'avenir. Mais nous brûler les ailes, il faudrait éviter. Aime-moi doudou, aime-moi doudou. Montre-le-moi doudou. T'es mimi, dis-le-moi doudou. Prouve-le-moi doudou. Et ça c'est quel comportement doudou. Tu me mens beaucoup. Ça c'est quel comportement doudou. Tu me mens beaucoup. Les soirs venus, faut qu'on se mette à l'aise, ouais. Sinon laisse tomber. Tu peux chercher, elles n'ont pas le verre, yeah. Chérie, laisse tomber. Les soirs venus, faut qu'on se mette à l'aise, ouais. Sinon laisse tomber. Tu peux chercher, elles n'ont pas le verre, yeah. Chérie, laisse tomber. Les rageux nous pistent. Les rageux nous pistent. Longue est la liste. Longue est la liste. Pour mériter ce qu'on veut. J'ai barré tous les dalles, maintenant à nous deux. Eh, il est dans ma tête, tête, tête. J'ai le cœur à la fête, fête, fête. J'crois bien qu'on est en osmose. Faut que ça s'arrête jamais. Non, non, jamais. Aime-moi doudou. Montre-le-moi doudou. T'es mimi, dis-le-moi doudou. Prouve-le-moi doudou. Et ça, c'est quel comportement doudou. Tu me mens beaucoup. Ça, c'est quel comportement doudou. Tu me mens beaucoup. Les soirs venus, faut qu'on se mette à l'aise, ouais. Sinon laisse tomber. Tu peux chercher, elles n'ont pas le verre, ouais. Chérie, laisse tomber. Les soirs venus, faut qu'on se mette à l'aise, ouais. Sinon laisse tomber. Sinon laisse tomber. Sinon laisse tomber. Vous êtes sur Radio G et dans l'émission Aide Afrique. Ne bougez pas, dingueul. Nous sommes à notre deuxième rendez-vous consacré à l'invité du mois. Et notre invité du mois est Cécile Sieber qui va nous parler de santé. Elle est spécialiste en SIASU. Notre entretien a été enregistré compte tenu de la situation sanitaire et veuillez nous excuser pour la qualité du son. Voici Cécile Sieber qui nous parle de sa spécialité. Bonsoir Cécile. Bonsoir Paul. Comment allez-vous? Bah écoutez, je vais très bien. Je suis ravie d'être avec vous. Merci d'être avec nous sur les antennes de Radio G et pour nous parler de santé. Mais bien avant ça, présentez-vous en quelques mots aux auditeurs de Radio G. D'accord. Donc je m'appelle Cécile Schiebert. Oui. Et je suis spécialiste en shiatsu. Oui. Donc j'ai un cabinet à Bokuze. Oui. Qu'est-ce que c'est que le shiatsu exactement? Alors le shiatsu, c'est une pratique millénaire qui est d'origine japonaise, mm-hmm. qui vise à préserver ou à améliorer une belle qualité de vie. Mm-hmm. Et en fait, le mot shiatsu, oui. signifie pression avec les doigts. D'accord. Pression, c'est atsu, et par les doigts, c'est shi. Voilà, donc shiatsu, pression avec les doigts. Et en fait, le praticien shiatsu va utiliser ses doigts et ses paumes mm-hmm. pour mobiliser l'énergie dans le corps. L'intention, en fait, c'est que notre énergie soit la plus belle possible, mm-hmm. et qu'elle circule de façon fluide dans le corps, mm-hmm. dans des canaux d'énergie qu'on appelle des méridiens. Et voilà. C'est une pratique comme médicale? Alors non, ça ne fait pas partie du corps médical, mm-hmm. donc c'est référencé comme une médecine non conventionnelle digne d'intérêt par le Parlement européen. Mm-hmm. Le titre est reconnu maintenant par le ministère du Travail en France, oui. mais ça ne fait pas partie du corps médical en tant que tel. On considère le shiatsu, on parle vraiment d'accompagnement ou d'amélioration de la qualité de vie. Mais ce n'est pas, on ne peut pas utiliser le mot santé mm-hmm. à côté du shiatsu. Oui. Voilà. Et qui peut venir chez vous? Ah ben, tout le monde. En fait, le shiatsu est vraiment ouvert à toutes les personnes, mm-hmm. donc hommes ou femmes, bébés, enfin vraiment tous les âges. D'accord. On peut venir, voilà. Oui, oui. Mmh. On peut venir pour le shiatsu, au shiatsu pour différentes raisons. Mmh. Donc ça peut être pour la détente par exemple, parce mmh. que c'est vrai que le shiatsu en fait, le toucher, on va solliciter des points particuliers d'énergie. Mmh. On va mobiliser des zones et en fait ça va activer notre système nerveux et ça mmh. va relâcher les tensions. Donc il y a des personnes qui viennent pour un moment de détente. Mmh. et d'autres vraiment pour améliorer leur qualité de vie. Des fois aussi, c'est pour, par exemple, lorsqu'on se sent un peu stressé, lorsqu'on a la tête un peu pleine, mm-hmm. Shiatsu permet justement de se libérer de ces tensions mentales ou psychologiques ou émotionnelles. Mm-hmm. Et vos actes dépendent de la prescription d'un médecin? Ah non, on ne fait pas. Non, on ne dépend pas de la prescription d'un médecin. Mm-hmm. Donc les personnes viennent en fait directement au cabinet. Mm-hmm. Donc c'est vrai que le shiatsu est de plus en plus reconnu par les médecins ou les hôpitaux. Il y a des praticiens shiatsu qui interviennent dans les hôpitaux, par exemple. Mm-hmm. Ça peut être sur Paris ou dans l'est de la France. Il y a aussi des praticiens shiatsu qui sont sur Angers. Mm-hmm. Voilà, mais c'est pas suite à une prescription médicale. Donc vraiment, c'est la personne qui a envie de recevoir un shiatsu, va dans le cabinet pour ce shiatsu. Vous vous situez dans quel domaine du secteur paramédical alors? Alors, on ne fait pas non plus partie du secteur paramédical. Ah. Alors, vous savez, en France, il y a des mots très précis mm-hmm. qu'on peut utiliser, on ne peut pas utiliser. Donc, c'est vrai que pour l'instant, le mot shiatsu, on ne peut pas l'associer au secteur médical ou paramédical. Mm-hmm. En fait, ça fait partie vraiment... Alors, des fois, il y a des termes utilisés comme médecine alternative, mais on n'a même pas le droit d'utiliser le mot médecine. Mais en fait, il faut vraiment considérer le shiatsu comme un accompagnement, en fait. Il est vraiment complémentaire à la médecine classique, c'est-à-dire quand on va chez le médecin. Mm-hmm. Et alors, qu'est-ce que je peux dire? Voilà, le shiatsu est là en accompagnement, mm-hmm. en accompagnement à la qualité de vie. Mm-hmm. Et voilà, ça ne fait pas partie de quelque chose de médical en tant que tel. Mais au niveau shiatsu, c'est vrai que le shiatsu, on peut le recevoir dans un cabinet, on peut aussi le recevoir en entreprise. Mm-hmm. Le shiatsu apparaît aussi dans des structures de soins. Par exemple, moi, j'ai fait un stage dans un EHPAD. Donc, j'ai donné des shiatsu à des personnes âgées mm-hmm. qui étaient résidentes de l'EHPAD. Mm-hmm. La plupart de vos clients, ce sont des personnes âgées? Alors, écoutez, là, ça dépend vraiment des praticiens. Oui, oui. Donc, en fait... Moi, par exemple, c'est plutôt des personnes... en fait, c'est ouvert à tout le monde, en fait. C'est-à-dire mm-hmm. que moi, j'ai reçu des personnes, des jeunes de 10-12 ans, mm-hmm. par exemple, oui, oui. qui avaient, par exemple, des émotions un peu fortes, mm-hmm. ou qui avaient, par exemple, le mal des transports, mm-hmm. chose très, j'allais dire, très ciblée, très mm-hmm. précise, mm-hmm. Jusqu'à des personnes âgées de 80, enfin, des personnes âgées, c'est pas très politiquement correct, mais des personnes de 80, 85 ans, qui avait besoin d'un moment de détente ou qui avait des tensions dans le corps, et le shiatsu a permis justement de soulager ces tensions. Voilà. Parlez-nous un peu d'une séance de shiatsu, s'il vous plaît. D'accord. Alors, oui. La séance de shiatsu, oui. Quelle que soit l'attente de la personne, elle se déroule toujours à peu près de la même façon. Mm-hmm. Au départ, on commence par un entretien, c'est-à-dire que... je demande à la personne quelle est son attente, mmh. déjà, mmh. et après je lui pose des questions, beaucoup d'autres questions, mais plus générales, c'est-à-dire la personne peut venir pour une douleur au niveau de l'épaule, par mmh. exemple. Mmh. Je vais aussi lui poser des questions, par exemple, sur sa qualité de sommeil, mmh. comment se passe la digestion, mmh. est-ce qu'elle a tendance à avoir chaud ou froid. Mmh. En fait, toutes ces informations-là mmh. me permettent d'établir un bilan énergétique shiatsu, qui est spécifique. Mmh. Après, il y a la séance en elle-même, qui mm-hmm. dure à peu près entre 3 quarts d'heure et 1 heure. Mm-hmm. Là, justement, je vais activer des zones du corps pour mm-hmm. faire en sorte que l'énergie circule mieux. Mm-hmm. Et après la séance, il y a un temps de... comment je peux dire ça, en fait? Un temps de... Un échange de fin de séance où mm-hmm. la personne me dit ce qu'elle a ressenti. Mm-hmm. Et aussi, moi, je lui donne des conseils. Par exemple, vous savez, le shiatsu, c'est... une séance, mais après, ce qui est intéressant aussi, c'est que la personne elle-même, par exemple, tous les jours, mmh. stimule certains points ou fait des petits exercices de respiration ou, par exemple, va marcher dehors un peu plus souvent mmh. pour justement maintenir en fait le bénéfice du shiatsu au cours du temps. Ah oui. Est-ce que on peut parler du prix d'une séance? Ah oui, bien sûr. Mmh. Donc, alors, après, c'est pour, en général, je dirais le prix d'une séance, mais en tout cas, je vais vous donner le mien, qui est à peu près celui, entre guillemets, celui des collègues. Oui. Donc, une séance, c'est 50 euros. Oui. Et moi, je propose aussi un forfait si les personnes viennent plusieurs fois, en fait, mm-hmm. à une séance à 45 euros, mm-hmm. avec un tarif aussi plus bas pour les enfants. Mm-hmm. Alors, c'est vrai que pourquoi je propose des forfaits de plusieurs séances? Parce que le shiatsu, en fait, c'est la séance en elle-même, c'est bien, mais ça a aussi une visée, comment dire. Le shiatsu est là aussi pour préserver. ou prévenir un déséquilibre énergétique. Oui. Et donc, ça peut être intéressant de faire des séances de shiatsu régulièrement. Donc, ça peut être, par exemple, tous les mois, tous les deux mois ou à chaque changement de saison, mm-hmm. pour justement faire en sorte que le déséquilibre énergétique soit le plus bas possible ou au contraire, ne pas en avoir. Demain. Mais comment faites-vous pour faire connaître cette discipline auprès de la population ? Les flyers, aussi des présentations. Parfois, il y a des journées shiatsu mm-hmm. où on propose des shiatsu sur chaise pour l'ensemble des personnes. Mm-hmm. Moi, je vais voir les médecins aussi. On appelle des médecins, ce qu'on appelle des prescripteurs, en fait, aussi pour faire connaître le shiatsu mm-hmm. et que les médecins soient là en fait, aussi pour informer les patients, mm-hmm. informer leurs patients que le shiatsu existe et peut être une aide pour eux. Voilà. C'est vrai que le shiatsu, le shiatsu est reconnu par l'État français depuis 5 ans. Oui. Donc c'est longtemps et c'est récent à la fois. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a tout un travail, il y a toute une évolution à faire justement pour faire connaître le mot mm-hmm. et faire en sorte que les personnes soient, se disent que le shiatsu est intéressant pour ce qu'elles ont besoin de vivre, en fait, tout simplement. Voilà, mais c'est vrai que c'est au travers des manifestations que l'on contacte le plus facilement les personnes. D'accord. Moi, par exemple, aussi, j'ai fait une manifestation, donc c'était l'année dernière, c'était à la médiathèque de Beaucouzé, où c'était un exercice, c'était une heure d'automassage, d'automassage shiatsu. Mm-hmm. Donc c'est vrai que le shiatsu, c'est entre deux personnes, c'est-à-dire qu'il y a le praticien et la personne qui reçoit le shiatsu. Mm-hmm. On peut aussi faire des automassages shiatsu, c'est-à-dire qu'on se le fait à soi-même, mm-hmm. tout simplement. Mm-hmm. C'est aussi des manifestations comme ça qui permettent à la fois de faire connaître l'automassage shiatsu mm-hmm. et le shiatsu en tant que... Et aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'ils peuvent vous inviter chez eux pour pouvoir faire cette séance, ou bien vous avez un cabinet où vous pouvez nous donner l'adresse? J'ai un cabinet à Beaucouzé, ah oui. À 9 rue de Montreuil. Oui. Donc voilà, je choisis de préférence, je préfère recevoir dans mon cabinet, oui. tout simplement. Oui. Et c'est vrai que lorsque les personnes ne peuvent pas se déplacer, je peux aussi me déplacer au domicile. Oui, oui. On reprend l'adresse du cabinet tout doucement. C'est... Ah, pardon. 9 rue de Montreuil, oui. à Beaucouzé. D'accord. Et vous avez un numéro de téléphone ou peut-être il faut prendre un rendez-vous, je ne sais pas. Alors moi, dites-nous ce que tout. Je vous propose, c'est de vous donner mon site internet. Oui. Mon site internet, c'est nature-shiatsu-angers.com. Et je vais épeler le mot shiatsu parce que c'est que ça. Moi-même, j'ai du mal à prononcer aussi. Oui, c'est ça. Non, mais je comprends, moi aussi, j'avais un peu de difficulté au départ. Shiatsu, c'est S-H-I-A-T-S-U. Voilà. Donc, sur mon site internet, vous allez trouver justement, ma description du shiatsu, tout mm-hmm. ce qui peut exister, les informations sur le déroulé d'une séance, mm-hmm. Les tarifs, quelques témoignages. Oui. Voilà. Oui. Et mon numéro de téléphone, c'est le 06 oui. 80 92 oui. 59 68. D'accord. Et pour les auditeurs qui viennent de nous prendre en marche, qui nous écoutent maintenant, on peut reprendre l'adresse du site tranquillement, tout doucement. Donc, mon site internet, c'est mm-hmm. nature, oui. N-A-T-U-R-E, oui. tiret shiatsu, oui. S-H-I-A-T-S-U, mm-hmm. tiret Angers, oui. .com. Merci de nous parler de cette discipline qui n'est pas beaucoup connue. Et quel est votre dernier mot, surtout pour les auditeurs qui nous écoutent et pour notre émission Aide Afrique? Alors moi, je dirais simplement, prenez soin de vous, vraiment. Oui, moi, oui. Le shiatsu m'a permis, au niveau personnel, vraiment de me rendre compte que j'étais finalement quelqu'un d'important dans le sens que je méritais mm-hmm. de prendre soin de moi. Voilà. Oui. Et quand on prend bien soin de soi, mm-hmm. forcément derrière, mm-hmm. toutes les personnes autour en bénéficient aussi. Mm-hmm. Donc c'est pas égoïste de prendre soin de soi, au contraire. Mm-hmm. Prenons soin de nous et après, oui. que les choses circulent bien. Mm-hmm. Voilà, mm-hmm. des belles énergies. Le shiatsu est intéressant justement pour éviter les déséquilibres actuels oui, et ceux à venir. Oui. on peut lâcher un petit peu, on lâche la pression, on se sent un peu mieux et on repart de façon un peu plus, on repart de façon plus positive en fait après. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un équilibre à trouver actuellement et on fait pour le mieux. Voilà. Se rappeler de ça aussi, on fait pour le mieux. Une fois encore, merci de nous parler de santé et puis. On s'est dit à bientôt, les portes de la radio vous sont ouvertes. Vous pouvez venir nous parler encore de cette discipline quand vous voulez. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Merci encore, merci beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous pouvez réécouter cet entretien réalisé avec notre amie Cécile, CBS spécialiste en CSU, sur le site de notre radio, www.radio-g.com. Et juste après cette mise en forme avec cette séance de Siassou, remet le corps en place avec ce titre Jérusalem de Master KG, un tube Zulu qui cartonne toujours. Allez, tout le monde sur la piste, on danse en respectant les gestes barrières. Je vous aime. Jérusalem, Pretoria, Lagos, Abidjan. Écoutez Aide Afrique sur radio-g.fr. Jerusalem, Ikayalami, Bilondoloze, Uambenami, Zungangishilana, Jerusalem, Ikayalami. I'm not perfect, I came from ruthless times as a juvenile. Look into my eyes, see pain and sacrifice. What goes on my mind, just trying to survive. Jerusalem, Ikayalami, Gil. salema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze On reste toujours sur le continent et nous voyageons, oui, nous voyageons sans visa. C'est l'Égypte qui nous accueille à travers le sultan du Sahabi, égyptien moderne. C'est le chef de file de la Gil Music, cette musique proche du raï algérien. C'est Hakim, il est là sur le plateau pour nous interpréter ce single qui s'appelle El Moda Sanadi. Un coucou à tous les Égyptiens qui vivent ici. Dans le pays de la Loire. Bon dimanche, bon après-midi, portez-vous bien et prenez soin de vous. Soyons prudents. طيبين حظهم في الدنيا مش ماشي وبالعادي نخون ونعادي عمال بشوف العجب في الدنيا وانا ماشي الموضة السنة دي جشع طمع وجع مرض الموضة السنة دي ألم ندم عدم ونار كل ما احنا عايشين في الحياة والنعمة هنشوف البدع جشع طمع وجع نار عايشين يا دنيا قبل النبي بلوش نار عدم عدم ونار طول ما احنا عايشين في الحياة كنا ما هنشوف البدع Aide-Afrique toujours aux côtés des artistes du continent. Et maintenant, nous allons vous faire découvrir, sinon redécouvrir, deux Clarisse. Oui, il s'agit de deux Clarisse. Clarisse Sista du Congo et Clarisse Mekongo du Cameroun. Elles sont sur notre plateau pour nous chanter respectivement Puinon et Zeneb. Deux sublimes chansons que vous retrouverez sur leur prochain album. About my skin, my big nose, brown skin, sweet lips. Your ignorance reflect your fears. Get a life, yeah man, and fix it. Cause at the end of the day, I don't care about what you feel, and I swear I will not give up a Sunday to justify your weakness. I'm a queen, I'm a queen, I'm a love dealer, love dealer. Mother of the earth, call me Mampila. Mampila. Don't you see my crown? I'm a groove dealer, groove dealer. You better, better, I'm a queen, queen. I'm a love dealer, love dealer. Mother of the earth, call me Mampila. Mampila. Don't you see my crown? I'm a groove dealer, groove dealer. Go down. I'm a queen. You better, better, better, go better, down. Bow down. Down. You better, you better, better, you better, better, better, better, better. You better, better, better. I'm so Kesho, twende leo, visitaki maneno ya kesho kesho, twende leo, nasema leo, leo, nasema leo, twende leo. Asema e kesho, ni muongo, na miye wapi nipeleka poetmet nisifike na kumbaka kuoyoyo. Unayo ya pangi ya kesho wenda isije kufika sema no no no oh oh. Nina muda leo, nipatie nipe kwa leo oh oh. Mpe Kaisari, ya Musa ikwa Farao oh oh. Tomorrow ni ya Mungu, ataipanga livyo panga jana. Nimechoka na mambo yako ya kesho kesho, twende leo. Misitaki maneno ya kesho kesho, twende leo. Nasema leo, leo, nasema leo, twende leo. Leo kama jana yanapitaga, ya kesho wachana nayo, tumachie Maulana. Ya leo tufanye kwa sasa, deni lako la jana ujalipaga. Masiku zinapita zinasongaga, kila siku kesho yako inapitaga. Procrastination is a killer man, deni lako la jana ujalipaga. Masiku zinapita zinasongaga, kila siku kesho yako inapitaga. Procrastination is a killer man. Nimechoka na mambo yako ya kesho kesho, twende leo. Misitaki maneno ya kesho kesho, twende leo. Nasema leo, leo, nasema leo, twende leo. Mambo ya kesho, maandishi ya leso, yatakupoteza ya muda ukakosa na mume, utapotea. Mvumilivu kula mbivu, akiwacha uvivu na kuzembea. Jukumu la leo, uwezi tekeleza kesho yashapotea. Ujumbe wa leo, unapofika kesho unakuwa umeozea. Nina muda leo, nipatie nipe kwa leo. Nimechoka na mambo yako ya kesho kesho, twende leo. Misitaki maneno ya kesho kesho, twende leo. Nasema leo, leo, nasema leo, twende leo. Voici le grand Mopao Koffi Olomide qui nous chante ce single dans un style de recueillement, Maman Ami, hommage à sa mère disparue tout dernièrement. Et à travers cette chanson, nous rendons hommage aussi à tous nos disparus et à toutes les victimes de cette pandémie. Zangiano Atala lelina foto ya mama akola mukate mamote kaki motuka nomponga na kenda kelasi na mputu Ola la kine to kompo na kina mwa fièvre Utumu bimba Ah mama Formol ba égyptien bombo Melaro wa pharaon Eko fer du rey et jamais kone kayo dans mes pensées Isolina yelongi etika linga loko la masque Esthéticienne mon côté à coco colongo lango Un voulet ba condoléance et osu kase na matoy Incendie à départ na yona motema eko si la la nini Un jour après ton départ, na inaugurus et na balarme. La zui appelle urgent, y'a ba habitant, y'a est. Balobimo pa otika, y'a leli kole kabiso. Ba y ba koufa ba million, on dirait comme si tout les laté. Yeah. Ba maj bozala ki wat, bobo prévenir nga. Étoile y'a ma mamie. Ils ont déjà la firmament. A quelqu'un qui a rejoint le maléque à la kingaïté. Pardon, maman, il y a 5 heures du matin. Il y a un peu Chaque aurore natale, la kamapata. Na la kisabana, étoile brillante comme ma mémé. Na la liyo mama. Est-ce qu'un zambalinga qui au long le boulot Ou peut-être la kaki au promotion Yango zui mama motuya Avoke na mokolo pépinière nga indou na la touli Nia la matation na ma ekwe Nania koko manti korean zoto nanga Bali monio sui komi boulot Maman la poubelle Maria qui Elle est fière Wapie pa imote maranga eko zuwa mwaki miyao Hata nabaku ya aba bebe na zuwa tampungi Kompasyon ya baninga iza loku na bafani ya boxer Basuka kana bagada kasina ringe mote mezo bunda Mama soki na ye baki parti moko ya opposition Boyo babunda ka kontro liwango mele na atire Soki bozwili kanisi ya korosa la fami Nazala toujours mwana na yo ya motema Papa di distant Elvis Papa l'Aristote Wapi donki Manolo Mama mi okati proje la lune Yango mwoto desida ki Koumi la katimiti Pola bola mwana yo ya Respiratrice na nga ya yambo Deside yo kende Yo kalo yemba motema Yo izana kor yala Oye sukaka na mi lokola yo mama mi Mama wapi yo mama Mama wapi yo Ami Mama wapi yo Mama wapi yo Sokri resurrection a lazare Soki yo zobo mbango na si anzete Mama iba kombo na ngalelo e komi Tarzan Antoine Na ke foray equatorial Na lukan kasa moko moko na chak anzete Tan yo se kozo anga l'essentiel na retrouve Formule ya kose kwi sa mama mi Mama nga Mama ye, mama ye, toi nous a wapi vraiment Mama ye, amo pa ora mukako Nalila yon na monoko nini atenue douleur nanda Awa basil na yon ya miso ya mani pour du bon Mama wapi yo Ami Mama ya tiri oza wapi yo Umene ya gaito yve na malusi Binanga loko la livre Liwana yo page lourde Ata grumo kote koko kako tomo lango Mpona pase na page mosu soye Mon amour dans nos Laisse à papa Charles Mbote. Ton amour dans nos cœurs. Maman Boboto, maman Nanga. Ton amour dans nos cœurs. Ton goût beau, ça non jamais. Ton amour dans nos cœurs. 5 sur 5 au tiki la nani. Ton amour dans nos cœurs. Oh, maman mi, ok, vraiment. Ton amour dans nos cœurs. Maman mi, monte ma passion. Maman mi, monte ma passion. Merci, maman. Ton amour dans nos cœurs. Le meilleur de la musique africaine en Anjou et dans le pays de la Loire, c'est sur Radio G et dans l'émission Aide Afrique. C'est terminé pour aujourd'hui, mais restez à l'écoute des programmes de la Radio G. Restez aussi en contact avec nous sur les réseaux sociaux, Aide Afrique sur Facebook, Aide Afrique sur Instagram, Aide Afrique sur Twitter, et vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux perso, ils sont certifiés sur Instagram, sur Facebook ou sur Twitter. Oui, parce qu'il y a des comptes comme ça à mon nom, mais ce n'est pas moi. Allez simplement sur les réseaux sociaux de Aide Afrique et vous serez dirigé pour nous laisser vos impressions et faire des dédicaces. Pour ma part, je vous dis au revoir et on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau rendez-vous de la musique d'Afrique. Respectons toujours les gestes barrières, c'est-à-dire se protéger et protéger les autres, bien sûr. Je vous aime. Chaque jour est un moment de bonheur. Prenez soin de vous et passez la plus belle soirée possible. Bilibido, bilibido, bilibido, bilibido. Già non catendia, calda già sta nell'uni, sta sperando il pura. Cuscusta rabidadu, cu fongo già fazedu, avu tudo strelladu, barata sando na cafetera. Oze dia di, fazi juju, culpa da vovó, è muito fatura, oxi só carne que engata. Porta aberta, mostrar o futuro, quem que crê? E a vida de tentere. E a vida de tentere. E a vida de tentere. E a vida de tentere. Biribido, biribido, biribido, biribido, biribido, biribido. Fartura, testa de alimia, de sorriso de fase. Com hora de ouro e sombra, baixo pela espinheira.